Section 10 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 10. La poursuite dans les bois. Mademoiselle de Barjac, après l'événement du creux au sanglier, était allée reprendre son cheval, comme nous l'avons dit, et s'était lancée au hasard dans une allée de la forêt. Les cheveux au vent, l'œil égaré, elle excitait continuellement sa rapide monture. Christine semblait encore en proie à cette fièvre de mouvement qui la dévorait le matin, mais ce n'était plus l'orgueil et la joie qui précipitaient sa course. Loin de rechercher la présence des chasseurs, elle s'enfonçait toujours davantage dans la portion des bois la plus déserte et la plus silencieuse. Les sabots noirs de bûches effleuraient le gazon, et ils glissaient comme une ombre sous la feuillée. Christine, en effet, malgré sa fermeté d'âme ordinaire, avait été profondément bouleversée par la scène terrible qui venait d'avoir lieu. À la pensée du meurtre dont elle s'accusait, elle était redevenue femme. Elle éprouvait à son tour les faiblesses, les terreurs pusillanimes de la femme. Le cri déchirant qu'avait poussé le baron retentissait encore en son oreille. L'image pâle et sanglante du blessé lui apparaissait au bout de toutes les avenues, grimaçant dans l'obscurité de tous les taillis. Parfois, elle tressaillait et retournait la tête. Mais après un moment de stupeur, elle pressait de nouveau son agile monture, qui repartait à fond de train et ne semblait plus devoir s'arrêter qu'en tombant morte de fatigue. Depuis longtemps déjà, Mademoiselle de Barjac errait ainsi dans les bois, sans s'inquiéter de savoir où elle était et vers quel but elle devait se diriger. Aucun bruit humain ne parvenait jusqu'à elle, dans cet immense labyrinthe de troncs d'arbres et de feuillages. Cependant, comme elle traversait une clairière, elle s'entendit appeler d'une voix vibrante. Croyant encore être dupe d'une hallucination, Christine allait passer, quand la voix renouvela son appel avec plus de force. La jeune fille retint son cheval, qui s'arrêta fumant et couvert d'écume. Léonce venait de se lever du pied d'un chêne où il était assis et s'avançait vers elle avec empressement. Nous nous souvenons que Léonce, aiguillonné par la jalousie, avait voulu quitter le château malgré sa faiblesse, afin de rejoindre la chasse, mais il s'était aussi égaré dans la forêt, et bientôt l'épuisement l'avait forcé de se reposer en cet endroit. Le hasard venait justement d'y conduire la personne qu'il désirait le plus de rencontrer. « Bon Dieu, mademoiselle, comment êtes-vous seule ici ? » s'écria-t-il. « Où allez-vous ? Que sont devenus ceux qui avaient le devoir de veiller à votre sûreté ? Il est arrivé quelque malheur. » D'abord, mademoiselle de Berjac ne semblait pas entendre ce qu'on lui disait. Elle restait immobile et muette, les bras pendants, la tête baissée. Enfin, pourtant, un léger coloris reparut sur ses joues, et sautant à bas de son cheval, elle vint appuyer son front sur l'épaule du jeune homme. « Léonce, mon cher Léonce, murmura-t-elle, c'est Dieu qui vous envoie à mon secours. » Et des larmes abondantes soulagèrent sa poitrine oppressée. Léonce, quoiqu'il ne pût soupçonner la cause de cette douleur, essaya de calmer la belle châtelaine. Comme elle avait peine à se soutenir, il la fit asseoir au pied d'un arbre, et s'asseyant lui-même, il se mit à la questionner avec un tendre intérêt. Elle continuait de pleurer et ne répondait pas. Le neveu du prieur, surmontant sa timidité ordinaire dans cet instant de crise, voulut lui prendre la main. Cette main était souillée de sang. « Qu'est-ce ceci, mademoiselle ? » demanda-t-il avec inquiétude. « Seriez-vous blessée ?» Christine poussa un cri et essuya précipitamment ses doigts contre la mousse qui lui servait de siège. « Ce sang n'est pas le mien, » balbutia-t-elle avec égarement. « Mon ami, ne me repoussez pas avec horreur. Je viens de commettre un crime. »« Un crime, vous ? C'est impossible !»« Votre esprit troublé, je n'ai pas le délire et je ne dis que la vérité. Oui, un crime, un meurtre abominable. Un homme a voulu m'outrager et je l'ai frappé, mortellement sans doute. Oh, Léonce, Léonce, Dieu pourra-t-il me pardonner ?» Léonce persistait à penser que ses aveux étaient le résultat d'une imagination malade. Mais Mademoiselle de Barjac lui donna brièvement quelques explications. « Eh bien, Léonce, poursuivit-elle, vous toujours si sévère dans vos jugements, si impitoyable pour les faiblesses, pourquoi ne m'accablez-vous pas de reproches? Voilà ce qu'ont produit cette légèreté, cette imprudence déplorable, dont on essayait vainement de me faire comprendre le danger. Oh, parlez, parlez donc! J'aime mieux votre blâme, votre colère, que ce silence désolant. » Léonce lui sourit avec tristesse. Vous blâmez, mademoiselle, répliqua-t-il. Vous adressez des reproches quand vous souffrez, quand je vous vois si affligée. Je ne puis que vous plaindre. D'ailleurs, ajoutait-il en s'animant, n'étiez-vous pas dans le cas de légitime défense? Et puisqu'il s'est trouvé un misérable assez lâche pour vous offenser, pourquoi n'eussiez-vous pas repoussé l'offense? Pourquoi ne l'eussiez-vous pas puni? Et vous ne me dites pas qu'il eût mieux valu ne pas m'y exposer? Vous ne me dites pas que ma conduite inconsidérée a pu encourager cet indigne gentilhomme dans son mauvais dessein, et que par suite l'horreur de son crime et du mien doit rejaillir sur moi? Mais vous avez raison, Léonce, car les plus amers reproches ne pourraient rien ajouter à mes remords. De grâce, Christine, reprenez courage, je vous en conjure. Le baron a mérité son sort. Et puis sa blessure peut ne pas être mortelle. Sans doute, de prompt secours, le croyez-vous? S'écria impétueusement mademoiselle de Barjac en se redressant. Serait-il possible qu'il n'en mourût pas? Mais non, non, continua-t-elle aussitôt. J'ai entendu son cri de douleur. Je l'ai vu tomber à mes pieds. J'ai vu le sang couler à flots de sa poitrine. Tenez, Léonce, écoutez la promesse solennelle que j'ai faite. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus cet enfant volontaire, opiniâtre, dont les révoltes continuelles désespéraient tous ses amis. Je rentrerai dans la condition commune des femmes. Il m'a coûté trop cher d'en être sorti. Je serai réservé, timide comme les autres. Je ne m'exposerai plus, par ignorance ou légèreté, à des nécessités terribles. Vous, Léonce, qui avez été déjà pour moi comme un frère sage et dévoué, vous m'aiderez dans cette transformation, n'est-ce pas? Les préceptes qui, de la bouche des autres, me blessent et irritent mon orgueil, me semblent pleins de douceur quand ils viennent de vous. En vous écoutant, j'éprouve seulement un sentiment d'admiration pour votre sagesse, de reconnaissance pour votre zèle affectueux, et je songe sérieusement à devenir meilleur. Il est impossible de rendre l'adorable naïveté, l'expression de simplicité chaste et confiante, qui accompagnait ces paroles. Christine, jusque-là si hautaine, était comme domptée par la douleur. « Oh, merci de cette résolution, mon ami !» s'écria Léon se transporté. « Merci de cette bonne opinion que vous avez de moi. Ainsi donc, Christine, chère Christine, vous n'aimez pas le baron de la Roche-Boisseau, et la conscience d'une tendresse profanée n'est pour rien dans votre désespoir actuel ?»« Moi, aimer ce débauché !» répliqua mademoiselle de Barjac en rougissant. « À quoi pensez-vous donc, Léonce ? Je ne voyais tout au plus en lui qu'un compagnon agréable, dont les manières simples et franches me rappelaient, qu'il me pardonne mon erreur, celle de mon père et de mon oncle, si plein d'honneur pourtant et de loyauté. Dieu soit loué, qui n'a pas permis que cette erreur eût pour vous des suites encore plus funestes. Eh bien, Christine, puisque vous êtes disposée à suivre mes conseils, il faut nous hâter de prévenir les conséquences possibles de ce tragique événement. Aussitôt que vous serez un peu remise de vos émotions, nous allons retourner à Mercoire. Nous raconterons fidèlement à mon oncle ce qui s'est passé, et certainement il saura donner à cette affaire le tour le moins défavorable. « Votre oncle, le prieur de Frontenac ?» demanda Christine, dont les traits se rembrunirent. Léonce remarqua ce changement. « Ah, mademoiselle, reprit-il avec véhémence, vous conservez, je le vois, d'injustes préjugés contre cet excellent religieux. Et c'est de l'ingratitude. Pourquoi persister dans cette aversion inexplicable contre tous ceux qui peuvent avoir autorité sur vous ?»« Christine, je vous le jure, vous méconnaissez mon oncle. Il n'est pas rigoriste. » Il est généreux, plein de charité chrétienne. Sa haute intelligence comprend et excuse les fautes quand elles sont expiées par le repentir. Confiez-vous à lui, si vous saviez comme il trouve de bonnes paroles pour rasséréner l'âme troublée. J'en ai eu la preuve moi-même ce matin. Je suis venu à lui triste, malheureux, désespéré, et il m'a laissé fort, courageux, plein d'espoir. « Je n'ai jamais douté, répliqua Christine froidement, de l'éloquence du révérend prieur de Frontenac. Mais, ajouta-t-elle d'un ton différent, comment vous, Léonce, aviez-vous besoin de ces consolations ?»« Mademoiselle, ne me demandez pas, je ne pourrais vous dire. Sachez seulement qu'un mot de mon oncle a suffi pour opérer en moi des prodiges. En dépit de ma raison, j'avais rêvé un bonheur qui me semblait impossible, et le plus sombre abattement s'était emparé de moi. » Le prieur vient de m'apprendre que mon espoir était légitime, que mon ambition n'était pas insensée. Aussi vais-je marcher à présent avec ardeur et constance. Je me sens plein de courage, et je ferai tout pour mériter le prix auquel j'ose aspirer. » Léonce ne croyait pas que mademoiselle de Barjac pût soupçonner, au travers le vague et l'obscurité de ses paroles, quel était ce prix auquel il aspirait. Il oubliait que l'éclat de ses yeux, son accent, son geste trahissaient la vérité, et il ignorait que la femme la plus innocente est douée d'un merveilleux instinct pour pénétrer l'amour qu'elle a fait naître. Christine s'éloigna de lui par un mouvement vif, presque haineux. C'est qu'en effet, les perfides insinuations de La Roche-Boisseau se représentaient à sa mémoire. Elle se souvenait qu'on lui avait signalé une intrigue ourdie par les moines de Frontenac pour donner sa main au neveu du prieur, et toute sa fierté se soulevait à la pensée de cet abus de pouvoir. Aussi, bien que peut-être un sentiment secret l'entraîna vers Léonce, n'éprouva-t-elle que de l'indignation quand le jeune homme exposa, sous un voile transparent, ses candides espérances. L'expression de cet amour chaste et honnête, qu'elle eût peut-être écouté sans colère quelques heures plus tôt, avait excité une répulsion extraordinaire dans son esprit prévenu. Elle s'était levée, et sans regarder Léonce, elle le dit avec sécheresse « Prenez garde, monsieur, que des espérances, même garanties par votre oncle, pourraient ne pas se réaliser. Le monde ne tourne pas au caprice des moines de Frontenac, si opiniâtres et si rusés qu'ils soient. Peut-être s'en apercevront-ils bientôt. Mais allons, poursuivit-elle, il faut que je retourne au château, je me sens mieux. Quant à vous, faible comme vous l'êtes, vous ne pourriez suivre à pied mon cheval, qui, de son côté, ne consent pas volontiers à marcher au pas. Nous nous retrouverons à Mercoir. Eh bien, où donc est ce maudit animal? Morbleu, m'aurait-il faussé compagnie? » Elle fit claquer son fouet et appela Bûche, mais Bûche ne se montrait pas. La fringante bête avait jugé à propos, en se voyant la bride sur le cou, de faire une promenade dans les bois pour son propre compte. Elle était partie pendant la conversation précédente, et elle finit, comme nous le savons, par rentrer seule au château. Christine fronçait le sourcil, frappait du pied, et donnait tous les signes d'une colère qui avait peut-être encore une autre cause que la fantaisie de son cheval. Léonce, ne comprenant rien à ce revirement subit dans le langage et les manières de la jeune châtelaine, s'était levée et offrait timidement ses services. Christine les refusa. « N'importe, dit-elle, j'irai à pied, je connais les chemins. Ne vous dérangez pas, monsieur, je suis assez grande pour marcher seule, je pense. » Et en route, j'aurai quelques ordres à donner. Vous êtes malade, blessé, vous pouvez prendre votre temps pour retourner à Mercoir. » Léon se cherchait toujours, mais vainement, à déterminer avec précision la cause de cette vive irritation. Il demanda presque en tremblant, « De grâce, mademoiselle, apprenez-moi comment j'ai eu le malheur de vous déplaire. Je ne saurais expliquer. Me déplaire, monsieur Léon. Et comment, je vous prie, auriez-vous pu me déplaire ? « Vos affaires ne me regardent pas, en ce moment surtout, j'ai bien assez des miennes. Mais le temps menace de se mettre à la pluie. Rentrez bien vite au château, je vais m'y rendre de mon côté. »« Christine, mademoiselle, je vous en conjure, permettez-moi de vous accompagner. Ces bois ne sont pas sûrs. Je ne vous parlerai pas si vous l'ordonnez. Seulement, je marcherai à vos côtés et, ah ça, tout le monde va donc se mêler de me tenir en tutelle ?» « Ventre bleu, j'ai pourtant prouvé aujourd'hui que j'étais capable de me protéger moi-même. Laissez-moi, monsieur, ne me suivez pas. Je vous défends de me suivre. » Elle prit résolument le premier sentier qui s'offrit à elle et s'éloigna. Léon se n'osait bouger, mais quand elle eut disparu au détour du chemin, il ne put résister à ses inquiétudes. Il se mit à courir de toute sa vitesse pour essayer de la rejoindre et la revit bientôt qui se glissait dans une laie bordée de houx et de coudriers. Mademoiselle de Barjac, s'apercevant à son tour qu'on la suivait, s'arrêta tout à coup, se retourna, et fit un geste si menaçant que le pauvre garçon demeura de nouveau cloué à sa place. Cependant, aussitôt que Christine ne fut plus en vue, le charme qui le tenait immobile au milieu du chemin se rompit encore. Il parcourut l'allée en courant, mais parvenu à l'extrémité, il ne retrouva pas Mademoiselle de Barjac. Il s'engagea dans les sentiers qui coupaient en tous sens cette partie de la forêt. Nulle part il n'entrevit la forme svelte de la jeune fille. En désespoir de cause, il appela. Un écho moqueur répondit seul à son appel. Alors le neveu du prieur fut saisi d'un profond découragement, et s'appuyant contre un arbre, il versa d'abondantes larmes. « Elle me fuit, murmura-t-il, et elle aime mieux affronter les dangers qui l'attendent peut-être dans cette solitude que d'accepter mon appui. Mon Dieu, comment ai-je pu l'offenser à ce point ? Sans doute, imprudent que je suis, j'aurais laissé voir trop clairement mes vœux secrets. Et comme elle ne m'aime pas, comme elle ne veut aimer personne. Ah, mon oncle avait raison, je ne devais pas tant me presser de me livrer à la joie, de considérer comme renversés les obstacles qui nous séparent. Voilà le plus terrible de tous, elle ne m'aime pas. Malheur sur moi, malheur sur moi !» Il reprit, après un moment de silence, « Je ne puis pourtant l'abandonner ainsi. Je veillerai sur elle de loin, à son insu, et quand je la verrai en sûreté, eh bien, que notre sort à tous deux s'accomplisse. » Et il s'enfonça de nouveau dans les bois, oubliant que seul, sans armes, affaibli par sa blessure et un bras en écharpe, il ne pourrait être d'un grand secours à la personne qu'il voulait protéger. De son côté, Mademoiselle de Barjac n'était pas moins agitée. Cette impression nouvelle, qui venait de s'ajouter aux impressions déjà si vives de la matinée, avait porté au plus haut point la tension de ses nerfs, l'effervescence de son sang, le désordre de ses idées. Bien qu'elle effleurât d'un pied léger l'herbe des avenues, la tête lui tournait, ses oreilles bourdonnaient, les arbres environnants lui semblaient danser une ronde infernale. Cependant, l'obstination qu'on mettait à la suivre l'empêchait de ralentir sa fuite. Sa longue robe de soie serrée contre son corps, les lèvres pincées, elle courait le long des sentiers sans songer où elle allait. Mais quand elle ne vit plus Léonce, quand elle n'entendit plus ses appels, quand elle se sentit bien seule dans l'immensité de la forêt, cette surexcitation passagère tomba tout à coup, et elle éprouva le besoin de s'arrêter pour reprendre haleine. À quelques pas d'elle, une roche isolée, tapissée de lichens et de polypodes, ombragée de touffes d'églantiers, s'élevait sur le penchant de la colline. À la base de la roche se trouvait un petit enfoncement où il était facile de se cacher. Christine se dirigea vers cette retraite et s'y blottit, haletante, comme une biche aux abois. D'abord, elle ferma les yeux et demeura presque évanouie. Au bout de quelques minutes, elle se ranima et, se soulevant sur le coude, elle essaya de reconnaître où elle était. Au-dessous d'elle s'enfonçait un immense bassin presque circulaire, entouré de hautes montagnes, que dominait la cime majestueuse de la Monadière. La forêt occupait encore en grande partie cette espèce de vallée. Cependant, l'enveloppe d'arbres, se déchirant çà et là, laissait voir le fond vert tendre des prairies ou le pourpre sombre des bruyères. Vers le centre du bassin, dans un encadrement de joncs et de roseaux, un étang, ou plutôt une grande mare, étendait sa nappe d'eau immobile. Cette mare était bien connue des chasseurs de mercoire. C'était là que les cerfs et les sangliers, poursuivis par les chiens, venaient habituellement se rafraîchir avant l'inévitable hallali. Sur le bord, à un quart de lieue environ de l'endroit où se trouvait Christine de Barjac, une maisonnette isolée était à demi cachée dans un massif d'arbres touffus. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on n'apercevait pas d'autres habitations. Ces lieux, ordinairement tristes et solitaires, avaient, surtout en ce moment, un aspect grave, lugubre, qu'il devait à l'état de l'atmosphère. Tout présageait, en effet, que l'orage, qui se formait depuis le matin au sommet de la Monadière, allait se précipiter bientôt avec une indomptable fureur sur les contrées voisines. Le soleil avait disparu. Le dôme de nuages noirs et sinistres, qui couvrait la montagne, s'était démesurément élargi. Par intervalles, un grondement sourd, semblable au roulement lointain d'un chariot sur le pavé, sortait de cet amas de vapeurs menaçantes. Les rochers décharnés qui servaient de couronnement à la Monadière, le ravin du creux aux sangliers et le versant de la montagne jusqu'à la lisière du bois étaient maintenant invisibles. Cependant, par-dessous le voile sombre qui ceignait le paysage comme un linceul de mort, glissait encore un jour faux et blafard, dont le centre était un point lumineux situé à une immense distance sur la ligne de l'horizon. Christine, malgré le trouble de son esprit, ne pouvait méconnaître ces signes, et la conscience de sa situation lui revenait avec rapidité. Il est certain que les passions s'apaisent plus facilement en présence des grandes scènes de la nature, comme si dans ce cas, elle sentait mieux leur faiblesse et leur néant. Ce tableau grandiose agit plus sur Mademoiselle de Barjac qu'aucune parole humaine n'aurait pu le faire. Ses idées fiévreuses commencèrent à se calmer, et elle songea sérieusement à chercher un abri contre la tempête imminente. Elle savait maintenant où elle était, et elle calculait qu'il lui faudrait une heure de marche pour atteindre le château. Malheureusement, bien avant une heure, la pluie, la foudre et les vents devaient se déchaîner sur les alentours. Il ne restait d'autre ressource que d'aller chercher un refuge à la maisonnette dont nous avons parlé, qui était la demeure du garde-général Fargeau. Christine venait de s'y décider quand une circonstance nouvelle lui rendit toutes ses angoisses. Tapie dans sa cachette, elle entendait depuis quelques instants un froissement bizarre dans les taillis voisins. On marchait sur les feuilles sèches et l'on se frayait passage à travers les buissons. Tel était le silence en ce moment que Christine distinguait avec netteté le bruit que faisait le bois mort en se brisant sous les pas de cet être inconnu. Du reste, on allait et on venait comme si l'on eût suivi une piste. Le bruit partait tantôt de droite, tantôt de gauche, mais se rapprochait de plus en plus. Toujours frappée de l'idée que Léon s'était à sa poursuite, Christine crut d'abord que le hasard avait conduit de son côté son opiniâtre protecteur, et elle se blottit de nouveau dans le creux de rocher. Mais bientôt, un doute s'empara de son esprit. Était-ce bien Léonce qui rôdait ainsi autour d'elle? Levant la tête avec précaution, elle écarta doucement les branches et regarda. L'excès même de la frayeur l'empêcha de pousser un cri. Ce n'était pas une créature humaine qui la poursuivait, mais un animal énorme, au poil hérissé, à la langue rouge pendante sur ses crocs d'ivoire, à l'œil étincelant. Christine, fille et nièce des chasseurs les plus renommés de la province, avait trop d'expérience en vannerie pour ne pas reconnaître tout d'abord un loup monstrueux. Sans aucun doute, elle avait là, devant elle, la bête formidable, si friande de chair humaine, qui avait échappé le matin même aux recherches de plusieurs milliers de chasseurs, et qu'on appelait la bête du Gévaudan. La pauvre enfant, malgré le courage qu'elle montrait dans les circonstances ordinaires, frissonna de tous ses membres. Cependant, elle espérait encore qu'en demeurant cachée, elle ne serait pas aperçue du monstre. Immobile, retenant son haleine, elle observait avec anxiété chaque mouvement de son terrible ennemi. Le loup marchait à petits pas, le nez collé à terre, comme un limier bien dressé qui suit la trace du gibier. Comme le limier, il reniflait avec force de temps en temps. Parfois aussi, il s'arrêtait, flairant le vent. Il semblait que l'air lui apportât des émanations plus fraîches et plus abondantes de la proie qu'il convoitait. Mais bientôt, avec la sagacité merveilleuse de sa race, il revenait aux moyens plus lents mais plus sûrs de la piste, et portant de nouveau le nez contre terre, il se remettait en marche avec persévérance. Or, il faisait exactement les détours que Christine avait faits elle-même, peu de minutes auparavant, quand elle cherchait à se dérober aux importunités de Léonce. C'était donc elle que la bête avait éventée. C'était elle qui était l'objet de cette chasse effroyable où les rôles étaient si étrangement intervertis. Heureusement, Mademoiselle de Barjac, en cherchant un endroit favorable à son dessein, était revenue plusieurs fois sur ses pas, enfin avait emmêlé les voies. Cette circonstance embarrassa le loup, qui, en dépit de sa finesse, tourna assez longtemps dans le même cercle. Mais il ne pouvait tarder à reconnaître son erreur, à redresser le défaut. Et alors, quelques bonds lui suffiraient pour atteindre la pauvre enfant, récompense certaine de sa cruelle opiniâtreté. Christine, toujours attentive, voyait avec une terreur croissante la bête hésiter, réfléchir, comparer, comme si elle eût été sur le point de retrouver la trace perdue, quand un bruit nouveau s'éleva dans les buissons et parut inquiéter le loup lui-même. Les halliers s'écartant donnèrent passage à un homme, qu'à son costume délabré, à sa physionomie bestiale et surtout à ses sauts multipliés sur les mains, Mademoiselle de Barjac reconnut aussitôt pour Jeannot Grandedent. Malgré sa querelle récente avec le vagabond insensé, elle ne pouvait se dispenser d'invoquer, dans ce péril extrême, l'appui d'une créature de son espèce, si dégradée que fût cette créature. Elle voulut donc se lever, mais la force lui manqua. Elle voulut crier, la voix expira dans son gosier. Cette bête féroce qui allait et venait, la gueule béante, la fascinait, comme le serpent fascine le petit oiseau encore en sûreté sur la branche d'un arbre, mais qui se sent attiré par une force irrésistible. Pendant que la malheureuse Christine était hors d'état de céder elle-même, Jeannot Grandedent atteignit l'espèce de clairière où le loup tournait sans cesse, fort mécontent d'être dérangé. Il manifesta sa colère par un grondement sourd, en faisant claquer ses dents formidables, mais Jeannot ne s'en émut pas. Que cherches-tu là? Demanda-t-il de sa voix rauque, en patois du pays. Ne sais-tu pas qu'il y a des chasseurs partout aujourd'hui? On sent leurs traces dans tous les fourrés. Allons, mon vieux, haut le nez! À quoi penses-tu donc de perdre ainsi ton temps? Christine était trop loin pour entendre distinctement ces paroles, mais elle éprouvait un étonnement inexprimable à voir l'apparente intimité qui régnait entre la bête du Gévaudan et le vagabond. Quelle affinité pouvait rapprocher ces deux êtres sauvages? Non seulement le loup n'avait pas fui à l'arrivée de Jeannot, non seulement il ne s'était pas élancé sur lui, mais encore il le considérait visiblement comme un compagnon et un allié. On eût dit pourtant que cette alliance de la brute et de l'homme était sujette à des crises très capables de la compromettre. Ainsi, en ce moment, le loup, de plus en plus mécontent de l'intervention de Jeannot dans ses affaires, redoublait de grognements. Jeannot, à son tour, prit un air fâché. « Je te dis que tu es un imbécile et que tu perds ton temps !» ajouta-t-il de sa voix enrouée. « Mais puisque tu es si têtu, va, cherche. Tu trouveras sans doute au bout de la piste un chasseur qui te logera une balle dans le corps, et ce sera bien fait. » Le loup, comme s'il eût dédaigné ses menaces, se remit en quête, tandis que Jeannot se retirait un peu à l'écart en haussant les épaules. Cette fois, l'imminence du péril rendit à Christine et la force et la voix. Elle se redressa, et sans savoir encore si l'intervention qu'elle allait invoquer ne lui serait pas plus funeste qu'utile, elle s'écria d'un ton déchirant « Jeannot, Jeannot, secourez-moi » L'insensé tressaillit, et le loup s'arrêta, une de ses grosses pattes en l'air. Jeannot cherchait vainement à découvrir d'où le cri était parti. En revanche, l'œil perçant de la bête se dirigea sans hésitation vers le rocher, et s'attacha sur Mademoiselle de Barjac avec une fixité menaçante. Jeannot, grand dedans, habitué à s'en rapporter à l'instinct plus sûr de son compagnon, le consulta du regard et finit par remarquer à son tour la figure pâle de la jeune fille au milieu du feuillage. Une demi-minute environ fut employée à s'observer mutuellement, et l'on comprendra les angoisses de Christine pendant ce moment d'incertitude. Épouvantée de ce qu'elle venait de faire, elle n'osait plus ni parler ni se mouvoir. De leur côté, la bête et Jeannot demeuraient en place, l'air réfléchi, comme si chacun d'eux eût pesé le cas dans son fort intérieur. Le loup se décida le premier. Il poussa un petit hurlement de plaisir, promena sa langue sur ses babines et se mit en devoir de monter gaillardement à l'assaut. Mais il avait compté sans Jeannot. Celui-ci, à la vue de cette manœuvre significative, coupa court aux réflexions qui sans doute s'enchaînaient péniblement dans son cerveau. Il se jeta devant la bête avec une joie frénétique. « La demoiselle ! La demoiselle ! » s'écria-t-il. « Ah, tu avais bien senti, loup, mon camarade ! Mais elle est à moi. Ne la touche pas. J'en sais une autre, je te la donnerai. Celle-ci, je la veux. Elle est méchante. Elle m'a maltraité. Maintenant, elle n'a pas de fusil. Je l'aurai, vois-tu, ou nous nous fâcherons. » Le loup, animé par la présence de Christine, s'avançait avec ténacité, tantôt à droite, tantôt à gauche, pour passer outre. Mais Jeannot déjouait ses ruses et lui fermait le chemin. La bête ne songeait pas à déployer ses forces redoutables. Toutefois, il pouvait être imprudent de fatiguer sa patience, car elle commençait à gronder plus fort et à darder sur son ami des regards qui n'annonçaient rien de bon. Jeannot ne tarda pas non plus à se mettre en colère. « Je te dis que tu ne l'auras pas, » reprit-il avec un geste impérieux. « Je la guette depuis longtemps parce qu'elle m'a fait toutes sortes de misères. Je t'en donnerai une autre pour toi tout seul. Quant à celle-là, je la prends. Dussions-nous nous battre ensemble. Ah, tu grognes ? Ah, tu te révoltes contre ton père, contre ton bienfaiteur ? « Crois-tu donc m'effrayer ? Eh bien, je te le répète, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas !» Christine n'entendait qu'imparfaitement ces paroles, mais il lui semblait sûr qu'elle n'avait aucun secours à attendre de Jeannot. Bien plus, déjà elle le craignait à l'égal de la bête elle-même. Aussi, profitant de l'espèce de conflit qui venait de s'élever entre les deux féroces compagnons, s'élança-t-elle lestement de sa retraite, et elle prit sa course avec une rapidité inconcevable vers la plaine. Au même instant, des rugissements furieux, des clameurs terribles, purent donner à penser qu'une lutte éclatait. Mais Christine ne s'arrêta pas pour s'en assurer, aussi bien la lutte fut courte, et bientôt le calme se rétablit. Ce silence même redoubla les frayeurs de Mademoiselle de Barjac. Sans doute, ses persécuteurs, hommes et bêtes, allaient maintenant unir leurs efforts pour lui donner la chasse. Elle croyait déjà les entendre dans les fourrés derrière elle, et elle courait toujours, franchissant les ravins, les buissons, les rochers, avec une vitesse vertigineuse. Au bout de quelques instants de cette course effrénée, elle sentit que l'haleine lui manquait. Son cœur battait à briser sa poitrine, la terre se dérobait sous ses pas. Force lui fut donc de faire halte au pied d'un chêne. Ses craintes n'étaient que trop fondées. Le plus parfait accord régnait maintenant entre Jeannot et le loup, et tous les deux la poursuivaient avec ardeur. Jeannot descendait en bondissant la montagne, il agitait ses grands bras et livrait au vent, qui commençait à souffler, son inculte chevelure. Le loup venait un peu plus loin, le nez collé à terre, comme s'il eût repris la piste de la pauvre fugitive. Il marchait avec plus de lenteur, mais avec la certitude d'atteindre sa proie. Chaque seconde de repos que prenait Christine augmentait ses chances de salut, et d'ailleurs il lui fallait arrêter rapidement un plan de conduite. Aussi, malgré les démonstrations alarmantes de ses adversaires, ne se hâta-t-elle pas de repartir. Confiante dans son agilité, elle réfléchit au moyen le plus prompt d'échapper au péril. Les bois étaient toujours déserts. L'orage qui se préparait avait dû engager les nombreux chasseurs qui battaient la forêt le matin à se réfugier dans les habitations. Sans doute, Léonce, découragée, avait regagné le château. Christine ne pouvait donc compter que sur elle-même, à moins qu'elle ne parvînt à gagner la loge de la mare, cette maisonnette isolée qu'on apercevait au fond de la vallée. Ce fut à ce parti qu'elle s'arrêta. Bien qu'elle n'eût jamais eu beaucoup d'affection pour Fargeot, la nécessité l'obligeait à chercher un asile dans la demeure de son garde. Cette résolution prise, elle se remit en marche. Les autres avaient beaucoup gagné sur elle pendant cette courte halte, mais elle ne tarda pas à les distancer de nouveau, et, s'enfonçant dans le taillis, elle essaya de leur donner le change sur la direction véritable qu'elle suivait. Son stratagème réussit. À chaque instant, l'homme et l'animal féroce étaient irrésolus, comme s'ils avaient perdu sa trace. Cependant, comme il finissait toujours par déjouer ses ruses, elle entrevoyait avec terreur le moment où, ses forces étant épuisées, elle se trouverait à leur merci. Elle atteignit ainsi la lisière du bois, à une centaine de pas de l'habitation du garde. Mais la loge était construite, comme nous le savons, sur un sol nu, découvert, et Christine, en le traversant, ne pouvait manquer d'être aperçue. Cependant, il n'y avait pas à hésiter. Le loup et Jeannot la serraient de près, et elle croyait entendre par moments jusqu'au bruit de leur haleine. Il lui fallait donc déboucher dans la plaine, à la vue de ces deux formidables ennemis, qui pouvaient tenter un puissant et suprême effort. Comme elle allait quitter le dernier bouquet de bois, le ciel vint à son secours. Une bouffée de vent s'engouffra dans la forêt, dont toutes les branches se tordirent, dont tous les troncs craquèrent, une poussière épaisse, des mousses, des feuilles sèches furent enlevées en l'air. Au même instant, des éclairs éblouissants sillonnèrent la nue. Un coup de tonnerre ébranla la campagne, et de larges gouttes commencèrent à fouetter le feuillage des vieux châtaigniers. Cette subite perturbation de la nature devait frapper de stupeur toute créature vivante, mais Christine, obéissant à l'instinct de la conservation, se lança en avant avec courage. Ballottée par la tempête, aveuglée par la pluie, elle gagna la maison du garde, ouvrit brusquement la porte, qui n'était fermée qu'au loquet, et pénétra dans la loge avec un tourbillon de vent qui menaçait de renverser cette vieille construction. Un cri d'effroi partit de l'intérieur, mais Christine ne s'en inquiéta pas et réunit toutes ses forces pour refermer la porte que l'orage repoussait avec violence. Elle y parvint et put enfin se croire en sûreté dans la demeure et sous la protection de gens à ses gages. Fin de la section 10.